Notre mouvement renaissait le phénix de feu, la prospérité pour les siècles à venir. Un avenir certain pour notre sol et notre sang. On prend de loyauté et d'honneur, notre héritage et nos valeurs sont les armes de notre mouvement. Notre salut est dans la victoire, notre effervescence jeune et naïve est forgée par la sagesse de nos ancêtres. Les héritiers du pouvoir blanc, archers des acropoles superboréennes, défenseurs de la loi du sang, les chevaliers du soleil noir, armés de triomphe et de justice, nous sommes toujours victorieux, sans compromis ni sans tyrannie, même dans la mort.